Cette impression croissante se renouvela et s'accrut, comme on le pense bien, par les hautes études de mon adolescence, par les ennuis d'une longue oisiveté dans ma jeunesse inoccupée, qui ne trouvait son aliment que dans la lecture, par le besoin d'exprimer dans la solitude ses premières passions, qui, après avoir parlé en ardeur et en larmes, s'amortissent en parlant en vers ou en prose. Enfin, par ces premiers amours de l'imagination ou du cœur qui empruntent tous la voie de la poésie. La poésie, ce chant de l'âme qui exhale ce qui nous semble trop divin en nous pour rester enseveli dans le silence ou pour être exprimé en langue usuelle. Littérature instinctive et non apprise qui prend ses soupirs pour des accents et qui cadence les battements de deux cœurs pour les faire palpiter à l'unisson de leurs accords. Ce fut l'époque où, après avoir écrit des volumes de poésie amoureuse, jetés depuis aux flammes pour en purifier les pages, j'écrivis ces poésies contemplatives qui furent accueillies comme les pressentiments, bien plutôt que comme les promesses d'un poète. Tout devint littéraire à mes yeux, même ma propre vie qui se répercutait avec ses impressions, ses piétés, ses affections, ses joies ou ses douleurs, dans mes vers. L'existence était un poème pour moi. L'univers en notes diverses ne chantait ou ne gémissait qu'un hymne, je ne vivais qu'un livre à la main.